Unité 8. Au fil des saisons. Situation 1. Pour ou contre ? Page 106. Activité 1. Écoutez et répondez aux questions.